الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلوات ربي وسلامه عليه، ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، أما بعد. Donc nous revenons à notre sujet concernant les modèles que nous devons suivre. Ces modèles qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisis pour nous, pour qu'ils soient satisfaits de nous et pour avoir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et pour être épargnés des perturbations et des innovations dans ce bas monde et avoir son agrément subhanahu wa ta'ala quand on le retrouve. Et nous entamons cette deuxième partie avec une parole du Cheikh, l'Allama Cheikh Mohamed Amal Jami, rahimahullah ta'ala, qui décrivait la fitna à l'époque de la première crise du Golfe et l'apparition de ce qu'ils appelaient à l'époque Mashaïr Sahwa, et l'apparition de cette tendance sororie à cette époque de la grande fitna et de la grande crise du, la première crise du Golfe. يقول رحمه الله تعالى إننا نعيش اليوم وقد أحدقت بنا الفتن من جميع الجوانب فأصبح شبابنا في حيرة وفي فتن كقطع الليل المظلم يصبح فيها المرء على رأي ويمسي على رأي ويمسي على رأي ولا يكاد يستبين وجه الصواب فيما يسمع ويرى وفيما يقرأ. لدي سيكم سيلفيا بكنو ديرون سيت غروند فيتنا دو لا صعفقة كنو فيفون. Il dit, nous vivons aujourd'hui, alors que ceci date, peut-être que certains parmi vous, quand il a dit ces paroles, n'est pas encore né. Il dit, nous vivons aujourd'hui dans une période où les fitanes nous entourent de tous les côtés, et notre jeunesse est tombée dans une grande hésitation. Et notre jeunesse est tombée dans des fitanes qui sont comme les ténèbres de la nuit. L'être humain se réveille le matin, il a une opinion, et le soir, il en a une autre. Il n'arrive pas à discerner la vérité dans ce qu'il entend et dans ce qu'il lit. N'est-ce pas ce que beaucoup vivent avec la fitna de la Safaqa aujourd'hui? Certains te disent, on ne comprend plus rien. On ne sait plus. S'attire de tous les côtés. قال رحمه الله ومما ينبغي أن يدركه شبابنا أن الناس من حولنا ينحصرون في رجلين اثنين رجل حاسد حاقد قد يحسدكم على ما أنتم عليه من نعمة سلامة العقيدة والتمسك بالشريعة وتحكيمها ونعمة الأمن والأمان والاستقرار وطيب الحياة إذ كل دي نعمة محسود ورجل آخر يغبطكم غبطة فيما أنتم فيه من النعم المذكورة. Il a dit, ce que doit capter notre jeunesse, c'est que les gens autour de nous sont deux catégories. Un jaloux qui jalouse, qui vous jalouse sur le bienfait avec lequel Allah subhanahu wa ta'ala vous a comblé. Une bonne aqida, le fait de se comprendre à la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, le fait de la mettre en application et de gérer avec sa vie, et aussi le bienfait de la sécurité, le bienfait de la stabilité, à la bonne vie. Car, il dit rahmatullah alayh, tout un chacun qui est dans un bienfait, il est jalousé. Il a dit, la deuxième catégorie, c'est quelqu'un qui vous envie. C'est-à-dire, il vous envie pour le bienfait dans lequel vous êtes. Mais celui-là, celui qui vous envie, le ghibta a dit, il est louable. يقول حفظه الله والغبطة غير الحسد. Il dit, rahimahullah, que la ghibta, c'est pas la jalousie. C'est autre chose. Le hasad, أن يتمنى الإنسان زوال النعمة سواء زالت وانتقلت إليه أو إلى غيره أو زالت إلى أي جهة. La jalousie, c'est le fait que la personne espère que le bienfait que tu as ou que l'autre a disparaisse, ou qu'il revienne à lui, ou qu'il disparaisse tout simplement et que la personne ne l'ait plus, ou qu'il disparaisse, que la personne ne l'ait plus et qu'il aille ailleurs. Hada, c'est la jalousie. Et c'est là qu'il est interdite. Et en plus, comment jalouser le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala avec lequel il a comblé quelqu'un? Allah, il a destiné à la personne ce grand bienfait. Tu veux t'opposer à quoi, toi? C'est le destin d'Allah. Hein? يقول رحمه الله وأما الغبطة أن يتمنى الإنسان أن يكون له مثل مالك مثل مالك يعني كنت لون في الغبطة c'est que la personne espère avoir ce que tu as sans que qu'il veuille que toi tu ne l'aies plus أبدا il espère tout simplement il voit que c'est un grand bienfait il espère avoir la même chose c'est tout قال فعلينا أن نتصور هذا التصور وندرك هذا الإدراك لكي نكون على بصيرة في تعاملنا مع غيرنا ولكي نفرق بين العدو والصديق وإن الفتن والشدائد هي التي تعرفك الصديق الصادق والعدو المصانع حفظه الله تعالى Il faut qu'on s'imagine, il est de notre devoir, il nous incombe d'imaginer, d'avoir cette imagination de la situation, pour qu'on comprenne, qu'on saisisse la situation, et qu'on ait une clairvoyance dans notre rapport que nous allons avoir avec les autres, et que nous puissions, et avec ça nous puissions faire la différence entre l'ennemi et le compagnon véridique. Il dit Karl Fitton, les troubles et les perturbations et les situations difficiles, c'est elles qui vont te faire connaître l'ami véridique et l'ami qui se la joue devant toi alors qu'en réalité c'est un ennemi ou c'est un mukhaddil qui veut te faiblir et te faire éloigner de la vérité. قَالَ وَلَقَدْ صَدَقَ الشَّاعِرُ حَيْتُ يَقُولُ جَزَى اللَّهُ الشَّدَائِدَ كُلَّ خَيْرٍ عرفت بها عدوي من صديقي. Et il a cité la parole d'un poète qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala récompense les situations difficiles, car avec ces situations difficiles, j'ai connu mon ennemi de mon ami. J'ai su faire la distinction entre l'ennemi, entre mon ennemi et mon ami. قال فهذه الفتنة العمياء قد تظهر حقائق كانت كامنة في النفوس وقد تنكشف مفاهيم خاطئة يتبناها بعض الناس ولكن لا يستطيعون الدعوة إليها إلا في مثل هذه الأيام مظلمة إلى دي حفظه الله رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جناته cette fitna aveugle fait apparaître des réalités qui étaient cachées dans l'intérieur des gens et fait apparaître et dévoile aussi certaines mauvaises définitions ou certaines mauvaises compréhensions que certains gens avaient. Et ils ne pouvaient pas appeler les gens à ces mauvaises définitions et à ce qu'ils avaient à l'intérieur, sauf pendant les fitnes et pendant cette période de ténèbres. Hein? Et regardez la situation comment elle est maintenant. Combien cette fitna de la Safaqa fait apparaître des gens qu'on croyait qu'ils étaient sur la bonne voie. Et là, la fitna, il est venu, il a tout dévoilé. Hein? يقول لأننا الآن أمام دوحة تطيح أمام دوحة طويح بها وكل يأخذ فأسه فيذهب إليها فيقتطع منها ما يشاء لما يشاء فأخذت الأقلام تكتب والإذاعات تذيع والأشرطة تسجل والمحاضرات تلقى وكل إناء بما فيه ينضح فضل شبابنا يقرأ لهذا ويسمع لهذا ويصغي لهذا حائرا، قد يحتسب الجمرة تمرة فيتناولها فيتضرر بها. انتهى كلامه رحمه الله. Il dit, maintenant nous sommes dans une situation où la demeure est en train de se détruire de l'intérieur et que certains ont commencé à la détruire et tout le monde après ça, sa massette, y a donné chacun son coup. Et chacun, il va de sa force pour prendre sa part. Il a dit, les crayons ont écrit, ils ne cessent d'écrire. Les moyens de communication propagent. Les audios sont propagés. Les conférences aussi sont tenues. Et chaque récipient va déborder avec ce qu'il contient. Quand il y a dans un récipient l'urine, il n'y a que l'urine qui va déborder. Ce n'est pas du lait, abedem. Donc chaque récipient va déborder avec ce qu'il contient. Et il dit, rahimahullah, et notre jeunesse, liée à celui-là, il écoute celui-là, il entend celui-là, et il est devenu dans le doute, et il est rentré dans le doute et dans l'hésitation. Et il dit, au point que notre jeunesse va prendre une braise de feu, et la manger croyant que c'est une date. Et cela va lui faire du mal. Et quand on voit cette situation dans laquelle de la fitna de la sa'faqa, l'image qu'il a donnée, rahimahullah ta'ala, convient à ce que nous vivons. D'où une parole très importante qu'a l'hafid al-khatib, rahimahullah, dont le faqih ou le mutafaqih a dit, il rapporte Abdullah ibn al-Mu'taz, rahimahullah, « Qala zallatul alimi kankisari safinati » تغرق ويغرق معها خلق كثير. خطيب البغدادي هذه رابورت عبد الله بن المعتز دون سون ليفر الفقيه والمتفقه il dit l'erreur du savant c'est comme le trou qui se fait dans un bateau ou dans une barque. La barque va se noyer, ceux qui y sont aussi. Et beaucoup de gens vont se noyer avec. Et notre situation est comme cette image qu'a dit Abdullah ibn al-Mu'taz. D'où il faut faire très attention. Faire très attention à ce qu'on entend, à ce qu'on... Et chercher les écrits de ceux qui sont dignes de cette communauté. Et qui sont des dignes conseillers pour cette communauté. Il ne faut pas se leurrer. Nous devons éprouver celui qui est en face de nous pour savoir dans quelle voie il est. Et pour savoir est-ce que on peut l'avoir comme compagnon et comme intime ou pas pour ne pas perdre notre voie. Qala Cheikh Zayd rahimahullah fi kitab al-irhab wa atharuh مما ينبغي أن يعلم أن العلماء الربانيين والفقهاء السلفيين في كل زمان يختبرون الناس بمواقفهم من العلماء السلفيين أهل الحديث والأثر، فمن كان من أنصارهم ومحبيهم فهو صاحب سنة، ومن كان ممن يلمزهم أو ينتقصهم فهو صاحب هوى وبدعة يحذرونه ويحذرون منه. قلت الشيخ زيد رحمه الله il fait partie de cette élite qui était digne du conseil pour la jeunesse musulmane et pour l'avertissement contre toute tendance déviante et tout être humain déviant. Il disait rahmatullah alayh dans son livre l'impact du terrorisme. Le terrorisme intellectuel aussi rentre dedans dans son livre et l'avertit contre cela. Il dit, Il faut savoir que les hommes de science, Rabbaniyoun, c'est-à-dire ceux qui apprennent aux gens le béaba de la science, et ils évoluent avec d'un degré à un autre, etc. Hadal alim Rabbani. Il dit, l'ulama Rabbaniyoun, et les jurisconsultes salafis ont tout lieu éprouvé les gens par rapport à leur position qu'ils ont vis-à-vis des hommes de science salafis et des gens du hadith et de ceux qui suivent la preuve. Celui qui fait partie des alliés de ces hommes de hadith et de ces hommes de science salafis et qui les aime, pour eux il est un homme de la sunna. Celui qui les critique, qui les dénigre, qui les vue, qui diminue de leur valeur, c'est quelqu'un qui suit ses passions. Il fait partie des gens de l'innovation. Ils avertissent contre lui. Ils font attention à lui, ils avertissent contre lui. Hein? C'est une voie qui a été suivie depuis l'aube jusqu'à nos jours. Wa qala an-najmi rahimahullah في الدرر النجمية نعمة نعم عند الشباب السلفي غير إذا وجدوا مخالفة للسنة في مؤلف أو في شريط أو رأوا من أهل السنة من يمشي مع المبتدعة بعد النصح فإذا نصح ولم ينتصح هجروه وهذه منقبة لهم وليست مذمة لهم. Cheikh Najmi Rahmaullah, donc Durar Najmiya, il a dit, certes, c'est la jeunesse salafi, ils ont une certaine jalousie pour la religion. Quand ils trouvent une divergence avec la sunna dans un livre, dans un audio, ou qu'ils voient que quelqu'un parmi les gens de la sunna est en compagnie d'innovateurs, après lui avoir prodigué le conseil, s'ils s'entêtent à rester avec et qu'ils ne prennent pas le conseil, ils le boycottent, ils le mettent de côté. Et ça, c'est une qualité chez eux et ce n'est pas un blâme. On ne peut pas les blâmer pour ça. Hein? Ça, ce sont nos pieux prédisseurs d'Allah. Rahimallahu al-allamat al-najmi wa rahimallahu Sheikh Zayd rahimahullah. وعودة إلى حبر هذه الأمة عبد الله بن عباس كالله سبحانه وتعالى لزاقري توس revenons au sillon de la science de cette communauté qui est عبد الله بن عباس كالله سبحانه وتعالى لقري من مناقبه رضي الله عنه وارضاه تقديم عمر بن الخطاب له وتناؤه عليه fait partie des qualités de ce noble compagnon qui est عبد الله بن عباس. C'est que Omar ibn al-Khattab, ma adraka, ma Omar, le mettait en avant. Hein? Et il faisait les éloges d'Abdullah ibn Abbas. Et il prenait ses avis en considération. Yaqulu ibn Abbas, radiyallahu anhuma, kana Omar yudkhiluni ma'a shiakhi badrin, fa ka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من حيث علمتم فدعاهم ذات يوم فأدخله معهم فما رأيت أي ما ظننت أنه دعاني يومئذ لا ليريهم. عبد الله بن عباس عمر بن الخطاب avait l'habitude de me faire rentrer dans les assises qu'il avait avec les grands compagnons qui ont assisté à la bataille de Badr, l'élite. Hein? Et comme c'est certaines personnes d'un certain âge, ces nobles compagnons, hein, j'avais quelque chose dans le cœur. Pourquoi ce petit, ce jeune, il est avec nous? Pourquoi Omar al-Khattab, il le rentre avec nous et il est tout le temps dans l'assise avec nous? Abdallah, Omar al-Khattab leur a dit, il fait, hein, vous savez de qui il est? De quelle descendance? C'est comme il leur disait, il fait partie de la famille du prophète alayhi salam. Un jour, il a réuni ces gens de Badr, Et il a appelé aussi Abdullah ibn Abbas. Abdullah ibn Abbas a dit, ce jour-là, je sais pourquoi il l'a fait. C'est pour leur montrer quelque chose. قال عمر بن الخطاب ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا بحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيئا فقال لي كذلك تقول يا ابن عباس فقلت لا قال فما تقول قلت قال أجل رسول هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه به قال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول. Donc quand il a rentré ce jour-là, il leur a posé la question. Qu'est-ce que vous dites concernant ce verset ? Dans la traduction approximative, nous dit cela. Lorsque t'apportant son secours, Allah te fera triompher. Certains ont dit, Allah nous a ordonné qu'on lui fasse des louanges, qu'on implore son pardon s'il nous fait triompher, et que c'est, on fait la conquête de la Mecque. Certains se sont tus, ils n'ont rien dit. Omar ibn al-Khattab s'est tourné vers Abdullah ibn Abbas, il lui a dit, est-ce que c'est ton avis? Abdullah ibn Abbas lui a dit non. Il lui a dit, alors qu'est-ce que tu dis toi, concernant cette sourate? Il a dit ça, c'est la fin de la vie du messager alayhi salam que Allah subhanahu wa ta'ala lui a annoncé. Hein? Lorsque t'apportant son secours, Allah te fera triompher. Abdullah ibn Abbas a dit ça, c'est le signe de la fin de la vie du messager alayhi salam. Il lui a ordonné de glorifier Allah, de louer Allah subhanahu wa ta'ala, de demander le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est celui qui pardonne. Omar ibn al-Khattab lui a dit, je ne connais de verset que ce que tu dis. Omar ibn al-Khattab a approuvé l'avis de Abdullah ibn Abbas, le hadith il est chez le Bukhari. يقول ابن عمر رضي الله عنهما كان عمر يدعو ابن عباس ويقربه ويقول إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاك فمحسح رأسك وقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ذكره ابن حجر في فتح الباري. عبد الله بن عمر دير كعمر بن الخطاب أبلي عبد الله بن عباس إلو rapproché de lui. Il lui disait, j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam te faire dua. J'ai vu que le messager d'Allah subhanahu wa ta'ala a essuyé ta tête et il a dit, oh Allah, donne-lui la compréhension de la religion et apprends-lui l'interprétation. Wa yaqulu Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu, ma ra'aytu ahadan ahdara fahman ولا ألب لبا ولا أكثر علما ولا أوسع حلما من ابن عباس ولقد رأيت عمر يدعوه للمعضلات ثم يقول عندك قد جاءتك معضلة ثم لا يتجاوز قوله وإن حوله لأهل بدر من المهاجرين والأنصار. ذكره الذهبي في السير وابن سعد في الطبقات رحم الله علماء المسلمين. Sa'd ibn Abi Waqqas, que Allah subhanahu wa ta'ala l'agré, dans ce qui est rapporté par Dabi dans Siyar et par ibn Sa'd dans Tabaqat, il dit, j'ai pas vu quelqu'un qui avait une grande compréhension et qui avait une raison saine et très forte et qui avait plus de science et qui avait une grande patience comme Abdullah ibn Abbas. Ça c'est un noble compagnon, plus âgé encore que Abdullah ibn Abbas. Voici ce qu'il dit. Il a dit, j'ai vu qu'Omar ibn al-Khattab l'appelait quand il y a des grands sujets à résoudre, des grands problèmes à résoudre. Il l'appelle et lui dit, tiens, il y a un problème, c'est pour toi. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu warda, ne dépassait pas l'opinion et la solution qu'Abdullah ibn Abbas donnait pour le problème. Alors qu'autour de lui, il y avait les gens de Badr, parmi les grands compagnons, hein, mil muhajirin wal ansar. Hein? Là, tu retiens aussi comment le grand respecte aussi la science qui assied le petit. Hein? Et que la personne peut être petite en âge, mais grande avec sa science. Hein? Et là, il y a une leçon à retenir. C'est que on apprend chez celui qui qu'on pense qu'il est ah, qu'il est moins âgé que nous. Hein? Du moment qu'il a la science. Et regardez, Omar ibn al-Khattab, il sait. Abdullah ibn Abbas, Rasulullah s.a.w. lui a donné la complète de science. Rasulullah s.a.w. lui a fait dua et il l'appelait. Et il ne dépassait pas son opinion quand il donnait la solution à un problème. Sache que ce qu'il faut prendre en considération, c'est la science. C'est la science. Cheikh Obeid est grand, il fait partie hein, des grands savants de Médine. Va dans une assise, Cheikh Abdullah al-Bukhari était présent et la question est arrivée. Il a dit, hein, une fois, il a donné son verdict, il s'est tourné vers Cheikh Abdullah al-Bukhari et lui a dit, complète. Hein? Tout ça, c'est la voix du pieux prédisseur d'Allah alayhi. ويقول طلحة بن عبيد الله لقد أعطي ابن عباس فهما ولقنا وعلما ما كنت أرى عمر بن الخطاب يقدم عليه أحد ذكره الذهبي في السير طلحة بن عبيد الله dans ce qui est rapporté par Dahabi dans Siyar a dit Abdullah ibn Abbas il lui a été donné la il était rapide dans la compréhension et lui a été donné une grande science et il était rapide dans la compréhension. Et je n'ai jamais vu quelqu'un, je n'ai pas vu Omar ibn Khattab mettre quelqu'un au devant d'Abdullah ibn Abbas. Hein? C'est pour ça qu'Abdullah ibn Abbas, il est désigné étant l'aqinan. Hein? C'est-à-dire rapide dans la compréhension. Radiallahu anhu wa arda. وابن عباس كما مر معنا كان تقيا كان ذا خشية لله سبحانه وتعالى متبعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك قال الشافعي رحمه الله فيما ذكر ابن مفلح في الأدب الشرعية لا يجمل العلم ولا يحسن إلا بثلاث خلال تقوى الله وإصابة السنة والخشية عبد الله بن عباس يتكل كان كي بخزغ بلد غوض الله C'est très pieux, qui avait une grande crainte d'Allah, Azza wa Jal, et qui mettait en avant la sunna du prophète, alayhi salam, il la suivait. C'est pour ça que Shafi'i, rahimahullah, dans ce qui est rapporté par Ibn Muflih dans l'adab shari'a, il disait, la science ne sera embellie, ne sera bien qu'avec trois qualités. Le fait de préserver les droits d'Allah, le fait d'accomplir la sunna et d'être dans la sunna et le fait d'avoir la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fa biduni taqwa Allah wa biduni al-khawf minhu subhanahu wa ta'ala wa biduni muwafaqat sunna la yuflihu at-talib mahma kan. Pour ça, sans le fait de préserver les droits d'Allah sans avoir la crainte d'Allah Azza wa Jal, sans être conforme à la sunna, jamais le demandeur de science il réussira. Abadan. Wa min manaqibihi radiyallahu anhu wa arda tana'u as-sahabati wa at-tabi'in alayh. Fait partie de ses qualités, c'est que les nobles compagnons d'Allah alayhim, ainsi que ceux tabi'in, ceux qui leur ont succédé, lui ont fait des éloges. يقول عبد الله بن مسعود نعمة ترجمان القرآن ابن عباس، ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة. عبد الله بن عباس dont il rapporté dans les recueils de l'imam Ahmed qui sont les mérites des compagnons, il a dit: il est excellent l'exégète du Coran, عبد الله بن عباس. وقال ابن عمر رضي الله عنه: ابن عباس أعلم الناس بما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية. عبد الله بن عمر a dit dans ce qui est rapporté par ابن كثير dans le بداية والنهاية، ابن عباس est celui qui a la plus de science parmi les gens concernant tout ce qui a été descendu à Muhammad صلى الله عليه وسلم. وقال محمد بن علي يوم مات ابن عباس اليوم مات رباني هذه الأمة، رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة. محمد بن علي رحمه الله أديك le jour de la mort d'Abdullah ibn Abbas aujourd'hui est mort رباني cette communauté، c'est-à-dire رباني هذه الأمة، le savant véridique. Le savant qui éduque avec le biaba de la science pour te faire évoluer dans les sphères de la science. هذا الرباني. Quand il est mort, Mohammed ibn Ali a dit: رباني هذه الأمة est mort aujourd'hui. وقال مجاهد: كان ابن عباس سمي البحر لكثرة علمه، ذكره الإمام أحمد في فضائل الصحابة. مجاهد a dit: ابن عباس on l'appelait l'océan parce qu'il avait beaucoup de science. C'est pour ça Ibn Taymiyyah et d'autres disent: quand l'interprétation du Coran te vient de Mujahid, ne cherche pas. Pourquoi? Parce que Mujahid a appris l'interprétation du Coran chez Ibn Abbas. Il lui a demandé sur les causes de la révélation, où il est descendu le verset, pourquoi il est descendu, etc. Hein? Wa qala Rafi' ibn Khudayj: مات اليوم من كان يحتاج إليه، من كان يحتاج إليه من بين المشرق والمغرب. طبقات لابن سعد بن خديج ديجي aujourd'hui est mort quelqu'un dont on a besoin à l'est et à l'ouest de la planète et entre les deux. Les gens ont besoin de lui. Besoin de lui pourquoi? Pour savoir ce qu'il faut de leur religion. رضي الله عنه وارضاه. وقال مسروق: كنت إذا رأيت ابن عباس قلت أجمل الناس، فإذا نطق قلت أفصح الناس، فإذا تحدث قلت أعلم الناس، ذكره صاحب السير رحمه الله تعالى. مسروق ديزي: quand je voyais عبد الله بن عباس je dis c'est le plus beau des imams. Et quand il parle, je lui dis, c'est le plus éloquent des imams. Hein? Et quand il discute, il dit, je dis, c'est l'homme qui a le plus de science parmi les imams. Faradiyallahu anhu. Faqabihun. Biman yasub bouayshumu ashaba rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Qala l'imam Malik rahimahullah: الذي يشتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس له سهم أو قال نصيب في الإسلام، ذكره صاحب الإبانة الصغرى بن بطة رحمه الله. لماذا؟ لأن الصحابة شهود على الإسلام، فمن آداهم وشتمهم فإنما أراد الإسلام، ومن جرحهم فإنما أراد إبطال الإسلام الذي نقلوه لنا. Et donc, combien il est mauvaise la situation de ceux qui insultent les nobles compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Point dans ce qui est rapporté dans l'Ibn al-Sughra d'Ibn Battah, l'imam Malik a dit: celui qui insulte les compagnons du messager alayhi salatu wassalam, il n'a pas de part dans l'islam. Pourquoi? Très simple. Les nobles compagnons, ce sont eux les témoins de la révélation. Ce sont eux le témoin de l'islam. Et ce sont eux qui l'ont transmis à ceux qui sont venus après eux. celui qui les insulte, il vaut pour cela dénigrer l'islam qu'ils ont transmis. Et celui qui les réfute et qui les dénigre, il veut annuler l'islam qu'ils ont transmis. Ridwanullah alayhim. Hein? Vous êtes dans une ville où les gens de la Sunna se sont fait envahir par Rawafid, au point où certaines mosquées qui étaient de la Sunna sont devenues des mosquées de Rawafid, au point de voir des snacks qui portent le nom Ahl al-Bayt. Ayadan billah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Et ça, quand les gens de la Sunna ne font pas la da'wah, ben c'est ce qui arrive. C'est ce qui arrive. Et ces inmés d'Allah qui sont rawafid ont pris sur eux de pénétrer le Maghreb à partir de des musulmans d'Europe. Et surtout ceux de Bruxelles, parce que Bruxelles a été toujours un nid propice à toutes les tendances. Toutes les tendances qui existent. Existe ici à Bruxelles, l'Aïdan Billah. Que ce soit Hizb al-Tahrir, que ce soit les Sourouris, que ce soit. L'Aïdan Billah. Et certaines sectes, sophismes, dont beaucoup ne connaissent même pas le nom, existent ici. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Amma mawaqifuhu radiyallahu anhu arda fa hiya kathiratun jiddan. Quant à ces positions qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée, sont nombreuses. Awalan hirsuhu ala talabi l'ilm wa ihtiram l'ulama. Premièrement, ces positions dans le fait de demander la science et comment il tenait et comment il patientait et endurait pour demander la science et comment il respectait les hommes de science. يقول ابن عباس رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار يا فلان هلم فنسأل فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم اليوم كثير فقال أي الأنصاري وعجبا لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ترى فترك ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل أي وقت القيلولة فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريح على وجه التراب أي تدلوه وتحمله فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك ألا أرسلت إلي فآتيك فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث قال ابن عباس فبقي الرجل أي الأنصار حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال كان هذا الفتى أعقل مني رواه الدارمي وأحمد في فضائل الصحابة. عبد الله بن عباس disait, quand le messager d'Allah est mort, j'ai dit à un homme parmi les alliés de Médine, Ansar, viens, qu'on interroge les compagnons du prophète alayhi salam, car aujourd'hui ils sont nombreux. L'Ansar lui a dit, ta situation est étonnante, Abd Allah ibn Abbas. Tu crois que les gens vont avoir besoin de toi alors qu'il y a, regarde le nombre des compagnons qui sont présents. Et cet Ansari a délaissé le fait d'aller chercher la science et d'aller interroger les nobles compagnons qui étaient là. Et Abdullah ibn Abbas disait, j'apprends qu'un homme a un hadith et je vais le voir chez lui. Et j'arrive alors que c'est l'heure de la sieste. Et j'attends devant chez lui. Je prends mon isar, je le mets sur ma tête et non. Et le vent ramène de la poussière, des brindilles, etc. Et je suis touché par les brindilles, la poussière que ramène le vent au visage, etc. Et l'homme sort de chez lui, il me voit dans la situation, il dit, où ne veut du messager alayhi salatu salam? Qu'est-ce qui t'amène? Pourquoi tu n'as pas envoyé quelqu'un me chercher? Abdullah ibn Abbas lui dit, c'est toi qui mérites que je vienne vers toi. C'est toi qui mérites que je vienne vers toi. Et il l'interroge sur le hadith, et il prend le hadith, il part. L'Ansari, à qui Abdullah ibn Abbas a fait cette proposition, a dit qu'un jour, cet Ansari a vu les gens autour de moi. Il a dit, ce jeune était plus doué de raison que moi. Hadith, il est rapporté par Darimi, par Ahmed. Ça te prouve quoi? La science ne vient pas avec le repos du corps. Abadan. Hein? Abadan. Il faut des efforts. Il faut souffrir pour l'avoir. Il faut sentir la douleur de ses jambes en pliant les jambes dans les assises. Hein? Regardez-nous notre jeunesse. À peine 30 ans, 40 ans, tout le monde cherche à être adossé au mur. Hein? Et dès que ça dépasse une heure, ça y est, on commence à bâiller et on commence à s'étirer dans tous les sens, on commence à tirer ses pieds, etc. Regardez ce noble compagnon, il souffre de la chaleur, de la poussière qui arrive, qui ramène des brindilles, qui ramène des graines très petites du sable, qui lui jette tout ça sur le visage. وَتَأَمَّلُوا الْآنَ فَهْمَا كَلَامَ مَنْ فَهِمَا مَنْهَجَ صَحَابَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. يقول الشافعي رحمه الله كما ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء: حق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار منه والصبر على كل عارض دون طلبه وإخلاص النية لله في استدراك العلم نصا واستنباطا والرغبة إلى الله في العون عليه فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. وهذه وصية من إمام في هذا الباب وهو الشافعي رحمه الله: من أراد الفلاح والرفعة في الدنيا والآخرة فعليه أن يصبر على طلب علم الكتاب والسنة. Et maintenant, méditons la situation de ceux qui ont compris la voie du noble compagnon d'Allah alayhim et ceux qui les suivent à la perfection. Et même Shafi'i, dans ce qui est rapporté dans Siyar par Dahabi, a dit, il est du devoir des demandeurs de science, hein, de demander beaucoup la science, hein, et de prodiguer tous les efforts qui sont dans leur possibilité pour atteindre une grande partie, pour acquérir une grande partie de la science, et de patienter et d'endurer sur tout ce qui va entraver leur chemin. Et d'implorer Allah subhanahu wa ta'ala de les aider, car tout bien ne peut s'obtenir qu'avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un conseil de l'un des grands imams de la science, Imam Shafi'i rahmatullah alayh. Celui qui veut la science de la législation, il doit patienter, il doit endurer pour pouvoir acquérir la réussite dans ce bas monde et dans le delà. Wa huwa Zayd ibn Thabit, katib al-wahy wa ra's ahli al-Madinah fi al-qada' wal-fiqh wal-qira'ah wal-fara'id yahum بركوب دابته فيقف ابن عباس رضي الله عنهما بين يديه وقفة العبد بين يدي مولاه ويمسك له ركابه ويأخذ بزمام دابته فقال له زيد دع عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا فقال له زيد أرني يدك يا ابن عباس فأخرج له ابن عباس يده فمال عليها وقبلها وقال هكذا أمرنا أن نفعل بأهل بيت نبينا. ذكره صاحب كنز العمار رحمه الله تعالى. Regarde cette position aussi d'Abdullah ibn Abbas, voici Zayd ibn Thabit, celui qui écrivait, le scribe de la révélation, la tête des hommes de science au niveau de la justice, au niveau du qada, et au niveau de la jurisprudence, et au niveau de la lecture, et au niveau de la science du partage de l'héritage, fara'id. Était sur le point de monter sa monture. Ibn Abbas est arrivé et s'est mis devant comme son serviteur. Il a pris les rênes de la monture et les a tenus pour que Zayd ibn Thabit puisse monter tranquillement sur sa monture. Zayd ibn Thabit lui a dit, laisse ça. On ne veut du prophète, alayhi salam, laisse ça, lâche. Abdullah ibn Abbas lui a dit, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de faire avec nos savants. Zayd lui a dit, radiallahu anhu arda, montre ta main. Il a sorti sa main, Abdullah ibn Abbas a sorti sa main, et Zayd ibn Thabit, radiallahu anhu arda, a commencé à l'embrasser. Il lui a dit, c'est ainsi qu'il nous a été ordonné de faire à la famille du prophète, de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Farahim Allahu ashab rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Fala ya'rifu al-fadl li ahli illa ahlul fadl. Allah subhanahu wa ta'ala koumou de sa sainte miséricorde des nobles compagnons d'Allah. Nous connaît les mérites des gens que les gens du mérite. Et nous devons méditer aussi la situation de ceux qui sont venus après eux, comme l'imam Malik, l'imam Shafi'i, rahimahullah. يقول l'imam Malik, كما ذكر صاحب الحلية, كان الرجل يختلف إلى الرجل 30 سنة يتعلم منه. Regardez comment ils n'étaient pas pressés, alors que nous maintenant sommes pressés déjà pour être devant de la scène, alors qu'on vient d'avoir, de bien maîtriser un petit mètre, ou la moitié d'un mètre. Imam Malik disait, l'homme restait à apprendre chez un homme pendant 30 ans, 30 années. Hein? Regardez comment la patience et l'endurance pour l'apprentissage. Regardez comment ils n'étaient pas pressés à être devant de la scène. Donc celui qui a une haute aspiration, dans la demande de la législation de Allah subhanahu wa ta'ala, doit patienter. Hein? Et prendre le temps de l'apprentissage et ne pas être pressé. Car le fait d'être pressé amène à la décadence et amène à la déviance aussi. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve. Ouah! Dans cette histoire avec Thabit ibn Zayd, ça t'apprend le comportement qu'il faut avoir, que le demandeur de science et celui qui cherche la religion, la science de la religion, doit acquérir un certain comportement. Regarde comment il était, Abdullah ibn Abbas avec Zayd, comment Zayd il était avec. Et tu as médité la situation de ceux qui les ont suivis après. Malik, Imam Malik ibn Anas, rahimahullah, disait, laqa, yaqul, li fatan min Quraysh, ibn akhi, ta'allam al-adab, qabla an tata'allama al-ilma. Ta'allam al-adab, qabla an tata'allama al-ilm. Wala shakka anna talib al-ilm yahtaju ila al-adab. مع نفسه مع الله مع شيوخه مع كتابه مع نفسه مع أقرانه من الطلبة مع مجلس العلم كل هذا يحتاج إلى أدب. Écoutez maintenant ceux qui ont compris la voix de nos pieux prédécesseurs d'Allah عليهم. Malik rahimahullah, dans ce qui est rapporté dans le Hilya, disait un jeune garçon de Quraysh, au fils de mon frère, apprends le comportement avant d'apprendre la science. Ça, la mère de l'imam Malik, quand il l'a envoyé chez Rabi'a, il lui a dit, va chez Rabi'a apprendre le comportement. Il l'a envoyé pour apprendre le comportement. Et jusqu'à une certaine époque, il y avait encore une assise dans la mosquée du prophète al-Islam qui était réservée à l'apprentissage du comportement. Enfin, il n'y a aucun doute que le demandeur de science a besoin d'apprendre le comportement. Le comportement à avoir avec Allah, avec lui-même, avec celui, avec son enseignant, avec ses amis et ses camarades avec lesquels il apprend, et le comportement à avoir dans l'assise. Tout ceci, nous en avons besoin. ومن مواقفه رضي الله عنه وارضاه مناقشته بالحكمة للخوارج وأثرها الطيب في رجوع أكثرهم إلى الحق. Fait partie de ses positions aussi le débat qu'il a eu avec les khawarij et comment sa sagesse a influencé beaucoup parmi eux qui ont accepté la vérité et qui sont revenus vers le compte de Ali, vers le compte des compagnons radhiyallahu anhum. بعد قضية التحكيم التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عنه ومعاوية رضي الله عنه تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة فذهب إليهم بعد قضية التحكيم التي كانت بين علي بن أبي طالب رضي الله عنه ومعاوية تعلق الخوارج ببعض الشبهات الباطلة فذهب إليهم عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وردها عليهم فرجع من رجع منهم وبقي من بقي منهم في ضلاله. Après la situation du jugement à laquelle, sur laquelle se sont mis en accord Ali ibn Abi Talib ainsi que Muawiya رضي الله عنهما, les Khawarij se sont attachés à certaines fausses ambiguïtés. Abdullah ibn Abbas est allé débattre avec eux et de répliquer à leurs ambiguïtés. Et il y a un certain nombre, un grand nombre qui est revenu. Et d'autres sont restés dans leur égarement. فَلْنَتَأَمَّلْ وَنَسْمَعْ لِمَا يَقُولُ عَبْدُ ibn Abbas رضي الله عنهما. Et comme il dit, qu'on écoute ce que dit Abdullah ibn Abbas, que Allah subhanahu wa ta'ala les agré. يَقُولُ ibn Abbas رضي الله عنهما لَمَّا خَرَجَتِ الْحَرُورِيَّ. الحرورية زيل عنها الحاء وابدلها بالسين ماذا تصبح لما ظهرت السرورية فهم على منوال واحد لما خرجت الحرورية وهم الخوارج اعتزلوا في دارهم وكانوا 6,000 فقلت لعلي رضي الله عنه يا أمير المؤمنين أبرد بالظهر لعلي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم قال إني أخاف عليك قلت كلا قال فقمت ودخلت عليهم في نصف النهار وهم قائلون فسلمت عليهم فقالوا مرحبا بك يا ابن عباس فما جاء بك ابن عباس دي الله سبحانه وتعالى زكري. Quand le haruria sont apparus, et si tu lèves le ha de le haruria, tu le remplaces par sin, tu es leur contemporain actuellement, sururia, qui sont des khawarij, comme le haruria. Quand le haruria se sont révélés, ils se sont mis à part de la communauté de l'autre côté, contre Ali radiallahu anhu arda, ils étaient dans une demeure, ils étaient plus de 6,000. J'ai dit à Ali radiallahu anhu arda, ô prince des croyants, retarde, dors jusqu'à ce que le temps soit un peu plus doux. Je vais aller voir ces gens-là et je vais leur parler. Ali radiallahu anhu arda, il a dit, j'ai peur pour toi. Il a dit, non, n'aie pas peur pour moi. Abdullah ibn Abbas a dit, je me suis levé Et je suis allé au milieu du jour aller les voir alors qu'ils étaient en train de faire la sieste. Je les ai salués. Et ils ont dit, bienvenue à toi, Ibn Abbas, qu'est-ce qui t'a ramené? Donc, regarde, il y a deux points qui doivent attirer ton attention ici. Abdullah ibn Abbas, avant d'aller les voir, il a pris l'autorisation de son gouverneur. Hein? Parce que c'est des gens qui ont été éduqués par le prophète alayhi salam. Et il y a une autorité, on prend son avis et son autorisation. On n'est pas dans l'anarchie. Et un autre point, c'est quand Abdullah ibn Abbas lui aura dit salam alaykoum, ils n'ont pas répondu salam. Alors qu'il est obligatoire de répondre. Ils ont dit bienvenue à toi, Ibn Abbas. Hein? Cela te prouve quoi? Qu'ils les considèrent non pas musulmans. Hein? S'ils se sont mis de l'autre côté, c'est que, hein, ils avaient un jugement sur le noble compagnon de Allah alayhi. يقول ابن عباس قلت لهم أتيتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصهره وعليهم نزل القرآن وهم أعلم بتأويله منكم وليس فيكم منهم أحد لأبلغكم ما يقولون وتخبروني بما تقولون قلت أخبروني ماذا نقمتم على أصحاب رسول الله وابن عمه قالوا ثلاث Il leur a dit, je viens de chez les compagnons du messager alayhi salam et de chez le beau-fils au messager alayhi salam. Et c'est sur eux que le Coran est descendu. Et ils connaissent mieux son interprétation que vous. Et il n'y a aucun compagnon avec vous. Et il n'y a personne, deux pas avec vous. Et je suis venu pour vous annoncer ce qu'ils disent, et que vous m'annoncez ce que vous dites, et que vous m'annoncez aussi ce que vous leur reprochez. Qu'est-ce que vous reprochez au noble compagnon du messager alayhi salam et au fils de son oncle? Ils ont dit, on leur reproche trois choses. Et à vous, regarde comment il a attiré leur attention. Pour leur montrer qu'ils sont dans l'égarement, je viens de chez les compagnons. Il n'y a aucun compagnon avec vous. Ça veut dire que la voie sur laquelle vous êtes, vous avez pris l'indépendance dans l'interprétation du Coran, l'interprétation de la religion. Et je vois qu'il n'y a aucun compagnon avec vous. Hein? Que ça, vous êtes dans une situation dangereuse, parce que vous avez pris le chemin et la voie des gens. Hein? Vous vous êtes rendu indépendant et vous n'avez pas pris le chemin de ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. Qalu amma ihdahunna fa innahu hakama ar-rijala fi amrillah. Wa qala ta'ala inul hukmu illa lillah. Ma sha'nu ar-rijali wal hukm. فقلت هذه واحدة قالوا أما الثانية فإنه قاتل ولم يسب ولم يغنم فإن كانوا كفارا سلبهم وإن كانوا مؤمنين ما حل قتالهم قلت هذه اثنتان فما الثالثة قالوا إنه محى نفسه عن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قلت هل عندكم شيء غير هذا قالوا حسبنا هذا إذنك Ils lui ont cité les trois choses qu'il reprochait au noble compagnon d'Allah alayhim et au khalif du musulman Ali radiallahu anhu Allah. Ils ont dit que Ali a pris comme juge les hommes. Et qu'est-ce que les hommes ont à voir dans les situations sur lesquelles sauf Allah doit juger. Alors, ils ont ramené le verset où il est dit dans la traduction approximative du sens du verset, « Certes, le jugement n'est qu'à Allah. Il a dit alors, qu'est-ce qu'ils ont à voir les gens, les hommes dans le jugement? Il a dit, ça c'est la première. Ramenez la deuxième. Ils ont dit, il a combattu. Il n'a pas pris de butin. Donc si c'était des mécréants ceux qu'il a combattu, il devrait prendre le butin. Et s'ils sont des croyants, il n'avait pas le droit de les combattre. Il leur a dit, ça c'est la deuxième. Ramenez votre troisième, c'est quoi? Ils ont dit, il a effacé son nom du prince des croyants, donc il est le prince des mécréants, direct. L'aidan billah. Il leur a dit, vous avez autre chose que ça? Et on dit, ça y est, ça nous suffit. Ces trois points nous suffisent. Qultu أرأيتم إن قرأت عليكم من كتاب الله ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يرد قولكم أترضون؟ قالوا نعم. Il leur a dit, maintenant, si je vous lis du livre d'Allah et de la sunna de son prophète عليه الصلاة والسلام, des passages et des preuves qui refutent ce que vous dites, est-ce que vous acceptez? Ils ont dit oui. قلتوا أما قولكم حكم الرجال في أمر الله فأنا أقرأ عليكم في كتاب الله أن قد صير الله حكمه إلى الرجال في ثمن ربع درهم فأمر الله الرجال أن يحكموا فيه قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به دواء عدل منكم الآية فأنشدتكم بالله تعالى أحكم الرجال في أرنب ونحوهما من الصيد أفضل أم حكمهم في دمائهم وصلاح ذات بينهم وأنتم تعلمون أن الله لو شاء لحكم ولم يصير ذلك إلى الرجال قالوا بل هذا أفضل وفي المرأة وزوجها قال الله عز وجل وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما فأنشدتكم بالله حكم الرجال في صلاح ذات بينهم وحقن دمائهم أفضل من حكمهم في امرأة أخرجت من هذه قالوا نعم وكل غادي Quand vous dites qu'il a pris comme jugement des hommes dans des situations que seul Allah subhanahu wa ta'ala doit juger, je vais vous lire du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala où Allah subhanahu wa ta'ala a donné le jugement à des hommes dont le prix d'un quart de dirham. Et Allah a ordonné aux hommes de juger cette situation. Il leur a cité le verset dont la traduction approximative nous dit ceci. Vous qui croyez, ne tuez pas de gibier alors que vous êtes en état de sacralisation. Quiconque tuera de façon délibérée un gibier devra expier son juste par l'immolation d'une bête. C'est-à-dire parmi les bêtes qu'on égorge comme des moutons et ainsi de suite. Équivalente selon le jugement de deux musulmans intègres. Hein? Et il dit, par Allah, est-ce que le jugement des gens concernant un lièvre et autres parmi le gibier est mieux ou juger entre eux concernant le fait pour préserver leur sang et pour les réconcilier entre eux? Et vous savez que si Allah voulait juger en concernant le gibier, il l'aurait fait. Mais il a laissé ça aux hommes. Ils ont dit non, ça c'est mieux. Et concernant la femme avec son mari, il leur a cité le verset dont la traduction approximative nous dit cela. Si vous redoutez la rupture entre les époux, faites intervenir un arbitre choisi dans chacune des deux familles. Si les deux arbitres désirent réellement la réconciliation, Allah rétablira la concorde entre eux. Hein? Il leur dit par Allah, le jugement des hommes dans le fait de réconcilier entre eux et de préserver leur sang est mieux, et le jugement et leur jugement concernant une femme et sa relation avec son mari par des hommes est mieux ou pas? Ils ont dit certes c'est mieux. قلت واما قولكم قاتل ولم يسب ولم يغنم افتسبون امكم عائشه وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها وهي امكم فان قلتم انا نستحل منها ما نستحل من غيرها فقد كفرتم ولئن قلتم ليست بامنا فقد كفرتم لان الله تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم فأنتم تدورون بين ضلالتين فأتوا منهما بمخرج. Et quand vous dites qu'il a combattu, qu'il n'a pas pris de butin, est-ce que vous allez prendre votre mère comme butin? Votre mère Aïcha, allez-vous la prendre comme butin? Et faire d'elle ce que vous faites des autres femmes? Et c'est votre mère. Et si vous dites qu'on peut faire d'elle ce qu'on fait des autres femmes, vous avez mécru. Et si vous êtes qu'elle n'est pas votre mère, vous avez mécru aussi. Car il est dit dans le verset, dans la traduction approximative du sens du verset, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a plus de droits sur les croyants que ceux-ci n'ont. Non, les uns sur les autres, et ses épouses sont comme leur mère. Et il leur a dit, est-ce que je suis quitte pour celle-là aussi? Qultu fakharajtu min hadihi. Qalu na'am. Wa amma qawlukum mahasmahu min amir al-mu'minin fa ana atikum biman tardawna. وأراكم قد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية صالح المشركين فقال لعلي رضي الله عنه اكتب هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال المشركون لا والله ما نعلم أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم امحو يا علي رسول الله. أمحو يا علي رسول الله اللهم إنك تعلم أني رسولك أمحو يا علي واكتب هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله فوالله لرسول الله صلى الله عليه وسلم خير من علي وقد محى نفسه ولم يكن محوه ذلك يمحوه من النبوة خرجت من هذه قالوا نعم فرجع منهم ألفان وخرج سائرهم أي على علي بن أبي طالب فقتلوا على ضلالتهم فقتلهم المهاجرون والأنصار أي والله إنهم رجال اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبة نبيه ونصرة دينه. Et concernant la troisième, il leur a dit, quand vous dites que Ali a effacé son nom du prince des croyants, maintenant je vais vous citer la situation de quelqu'un que vous agréez. Et je crois que vous avez entendu que le prophète, alayhi salam, le jour de l'Hudaybiyah, c'est-à-dire le jour où il y a eu le pacte de réconciliation entre le prophète, alayhi salam, et les polythéistes de la Mecque. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ali, écris, c'est sur ces points qu'il y a eu la réconciliation entre Muhammad, le messager d'Allah, hein, et les polythéistes. Les polythéistes ont dit, non, par Allah, si on savait que tu étais le messager d'Allah, par Allah, on ne sait pas que tu es le messager d'Allah. Car si on savait que tu étais le messager d'Allah, on t'aurait obéi. Écris, Muhammad ibn Abdillah. Le messager d'Allah a dit à Ali, efface. Oh Ali, efface le messager d'Allah. Et par Allah, je sais que je suis le messager d'Allah. Et il a dit à l'Ifas. Il écrit, ce sont les points sur lesquels il y a eu la réconciliation entre Muhammad ibn Abdillah. Et Abdullah ibn Abbas, il dit, par Allah, le messager d'Allah est mieux que Ali. Et le messager d'Allah a ordonné d'effacer son nom. Et le fait d'avoir effacé son nom ne l'a pas effacé, ne lui a pas enlevé la prophétie. Il a dit, je suis quitte de celle-là? Ils ont dit, oui. 2000 parmi eux sont revenus à la vérité. Et les autres se sont rebellés, ils ont pris les armes contre Ali et les nobles compagnons d'Allah Ali, et ils ont été tués dans leur égarement. Les nobles compagnons parmi les Muhajirs et les Ansar les ont combattus. Fin de citation de l'histoire relatée par Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhu arda, rapportée par Al-Hakim, par Al-Nasai, par d'autres. Et oui, ce sont des hommes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a élu pour faire triompher la religion d'Allah et pour faire triompher son messager alayhi salatu wassalam. كذلك من مواقفه حرصه التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشرها. في partie aussi de ses qualités, de ses nobles positions, c'est le fait qu'il tenait à l'application de la sunna et se cramponnait à la sunna et à la propager. عند عباس رضي الله عنهما أنه طاف مع معاوية بالبيت فجعل معاوية يستسلم الأركان كلها. فقال له ابن عباس لما تستسلم هذين الركنين ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسلمهما فقال معاوية ليس شيء من بيتي من البيت مهجورا فقال ابن عباس لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فقال معاوية صدقت فذكره بالسنة ذكره الإمام أحمد رحمة الله عليه في مسنده عبد الله بن عباس faisait tawaf autour de la Kaaba avec Muawiyah ibn Abi Sufyan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les agrée tous. Muawiyah a commencé à toucher tous les coins de la Kaaba. Abdullah ibn Abbas lui a dit, pourquoi tu touches les coins de la Kaaba? Alors que le messager alayhi salatu wassalam ne les touchait pas. Muawiyah lui a dit, il n'y a pas quelque chose qu'on doit délaisser de la Kaaba. Ibn Abbas lui a cité le verset dont la traduction approximative du sens du verset disait « Vous avez le meilleur des modèles à suivre dans la personne du messager d'Allah. » Muawiyah a dit « Tu as dit vrai. » Il lui a rappelé la sunna et il a accepté. Radiyallahu anhu majma'in. Parce que pour toucher les coins, il n'y a qu'un seul coin qui doit être touché si on peut. C'est là où il y a la pierre noire. قال عبد الله بن شفيق قال عبد الله بن شقيق رحمه الله خطبنا ابن عباس بالبصرة يوما بعد العصر يوما بعد العصر حتى غربت الشمس وبدت النجوم وجعل الناس يقولون الصلاة الصلاة قال فجاءه رجل من بني تميم لا يفطر ولا ينتني الصلاة الصلاة فقال ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء قال عبد الله بن شقيق فحاك في صدري من ذلك شيء فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته رواه الإمام مسلم عبد الله بن شقيق رحمه الله دي عبد الله بن عباس نزفين خطبة après العصر jusqu'à ce que le soleil s'est couché et que les étoiles ont commencé à apparaître dans le ciel. Après les gens ont commencé à dire la prière, la prière. Un homme de Bani Tamim, quand il dit la prière, Abdullah ibn Abbas lui a dit, tu vas m'apprendre sunnah, hein? Et il lui a dit, j'ai vu le messager d'Allah réunir entre la prière du Dhuhr et celle du Asr, et entre la prière du Maghreb et celle du Isha. Abdullah ibn Shafiq a dit, cette réponse, j'avais quelque chose dans le cœur concernant cette réponse. Alors je suis allé voir Abu Huraira radiallahu anhu arda, et je l'ai interrogé sur cette réponse d'Abdullah ibn Abbas. Et il a donné, et il a dit que c'est réel, qu'il a donné raison à Abdullah ibn Abbas, et que ce qu'il a dit c'est une vérité. Et le hadith, il est rapporté par l'imam Muslim, rahimahullah. فالسفينة إخوة الإسلام هي سفينة السنة هي سفينة المتقين وسفينة النجاة من ركبها نجا ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجد donc la sunna c'est la citadelle de protection pour être protégé de toute forme de fitane. Et pour avoir le salut dans ce bas monde et dans le delà. C'est pour ça que le messager alayhi salam, il a dit, cramponnez-vous à ma voix et à la voix du khalif bien guidé, mordez dessus avec vos molaires. Et il a fait que sa voix et la voix du khalif bien guidé soient une seule voix. Faïda, quand tu veux et sauver Akhal Islam, tu dois te cramponner à la voie sur laquelle étaient ses nobles compagnons. Et celui t'oriente vers le fait de te cramponner à la voie des hommes de science qui font triompher cette voie sur laquelle étaient les nobles compagnons d'Allah alayhi. Et de ne pas divier, de ne pas regarder ni à droite ni à gauche, et de te cramponner à leurs orientations et à leurs conseils. Si tu veux sauver ta religion dans ce bas monde et dans le delà, et de ne pas prêter l'oreille à n'importe qui, y écouter n'importe quoi, tu as dans les grands de cette communauté de quoi faire. Et tu dois respecter les spécialités. Il y a les imams de la réfutation, tu dois, et jusqu'à nos jours, les hommes de science qu'ils disent, ils ne lui connaissent pas une erreur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala le préserve, qu'Allah subhanahu wa ta'ala le récompense, qu'il lui donne le Firdaus A'la, qui est l'imam Rabi'a, le porteur de la sunna et de l'étendard de la réfutation, et qui est le lion, qui n'a jamais eu peur de quelqu'un. Mohammed ibn Hadi était quelqu'un qu'il aimait plus que ses enfants. Quand il a été injuste et qu'il a divié, il l'a refuté. Cela te prouve qu'on ne doit pas aduler dans la religion d'Allah Azza wa Jalla. Il a divié, il a divié. Il s'entête dans sa déviance, khlas. Enfin, soyez éveillés. Et n'écoutez pas n'importe quoi et n'importe qui. Si vous voulez sauver votre religion et votre voie dans ce bas monde et avoir la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu alayhi wa sallam. رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى نجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم وأحسن الله لكم جزاكم الله خيرا